explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Se laisser envahir par la magie et l'enchantement dans la forêt de Brocéliande, se dépenser et escalader les rochers dans la forêt de Fontainebleau, observer la biodiversité qui se dissimule dans la forêt de Rambouillet, ou encore éprouver le vertige du temps devant la hauteur des chênes pluricentenaires de la forêt de Troncay. Les raisons qui nous poussent à emprunter les sentiers forestiers sont nombreuses. Nous éprouvons un attachement fort à ces espaces peuplés de diverses essences d'arbres. Il faut dire que notre histoire avec la forêt est longue. Pendant longtemps, les surfaces boisées ont diminué dans l'Hexagone, puis la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, la France métropolitaine, en France, le massif forestier représente près de 17 millions d'hectares, soit 31% du territoire. C'est 2 millions de plus qu'en 1985. Mais pour autant, tous ces hectares boisés sont-ils gérés de façon durable? Certains s'inquiètent de voir planter des forêts ne comportant qu'une seule espèce d'arbre, tous du même âge, qui seront moissonnés comme des champs de blé. Notre rapport à la forêt évolue, notre façon de l'entretenir aussi. Cet après-midi, nous nous intéressons à l'histoire et à l'avenir de nos forêts. Pierre, je vais l'envoyer 3 mois à poil dans la forêt à bouffer des asticots et des racines. Et puis je vous garantis que quand il reviendra, il fera moins de poèmes. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, Paul Arnoux et Laurent Tillon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Daniel Fievé. Paul Arnoux, vous êtes géographe, professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon et vous êtes l'auteur du livre intitulé « Au plaisir des forêts, promenade sous les feuillages du monde » aux éditions Fayard. Laurent Tillon, vous êtes chargé de mission biodiversité à l'Office National des Forêts, l'ONF, et auteur de « Et si on écoutait la nature » aux éditions Payot. Vous allez donc nous emmener dans les forêts françaises à la découverte de leur histoire et de leur évolution récente. Puis vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr et la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, nous grimperons sur les plus hauts sommets du monde avec les alpinistes Sophie Lavaux et François Damilano. Voilà pour le parcours du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. L'hiver durait depuis 80 000 ans. Dans des conditions hostiles, des animaux résistent au froid glacial. Sur l'immensité, peu de traces des hommes. Imperceptiblement, la Terre s'incline et s'offre un peu plus au soleil. Quelques degrés de plus et tout est bouleversé. D'immenses étendues forestières envahissent l'Europe. Ainsi commence l'âge d'or de la forêt. Ainsi commencent les saisons. Extrait du film « Les saisons » de Jacques Perrin et Jacques Clouzot. Paul Arnoux, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire il y a 13 000 ans, il n'y avait quasiment pas d'arbres sur le territoire qui deviendra la France. C'est exact. Il y avait des forêts refuges, mais très au sud, dans les régions méditerranéennes. Et sur l'essentiel de la France, c'était soit de la glace au nord, soit des paysages de steppe ou de toundra, comme on l'appelle dans le grand nord canadien ou eurosibérien. Et il y avait des animaux dans ce paysage assez désertique, finalement? Il y avait énormément d'animaux, des animaux qui supportaient le froid, la neige, des gros, des petits. Du renard, du lynx, mais aussi des mammouths, des bœufs musqués. Et donc, il y avait des gros animaux et très très peu d'hommes pour les chasser, des chasseurs-cueilleurs qui devaient trouver leur pitorce dans des conditions extrêmement difficiles. Ouais, donc très peu d'arbres, très peu d'hommes également. Alors ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil quand on se promène dans une forêt, Laurent Tillon, mais les arbres sont des conquérants, c'est-à-dire que ce paysage quasiment désertique, vierge de tout arbre ou pratiquement, eh bien il a fallu le reconquérir pour ces arbres, c'est-à-dire que à leur vitesse, ils sont capables alors à la fois d'entrer en compétition, à la fois aussi de s'associer pour conquérir de nouveaux territoires. Et s'implanter de façon dense jusqu'à ce que ça devienne une forêt. Ça a été une histoire incroyable, la reconquête de la forêt. Il faut imaginer, par exemple, un chêne qui produit des graines, des glands. Ouais. Les glands, ce sont des fruits qui sont très lourds et qui sont très difficiles à transporter. Et habituellement, en tout cas de nos jours, on a mesuré les vitesses de progression d'une espèce comme le chêne. Il progresse de quelques dizaines à quelques centaines de mètres par an, pas beaucoup plus. À cette époque, il a existé tout un tas de phénomènes écologiques qui ont contribué à la propagation rapide des différentes graines, notamment de ceux du chêne. Et là, le chêne progressait à une vitesse de 2 km par an, ce qui lui a permis, avec toutes les successions forestières, d'abord le bouleau et le pin, puis ensuite le chêne, le hêtre, le noisetier et toutes les essences d'accompagnement, de progresser à nouveau vers le nord et de suivre le dégel des paysages qu'on connaissait jusqu'à présent. Mais d'où venaient les graines, les semences de toutes ces espèces d'arbres qui avaient disparu du territoire ? Alors, comme le disait Paul Arnoux, en fait, c'est des essences forestières qui s'étaient réfugiées, notamment sur certains piémonts pyrénéens, avec une difficulté, hein, c'est que les glaciations ayant agi justement jusqu'à ces piémonts pyrénéens, il restait pas beaucoup de zones refuges. Mmh. Et puis aussi, notamment proche de l'Italie, dans le Var, on sait que dans ces endroits-là, certaines poches de végétation forestière avaient pu encore se maintenir. Et c'est à partir de ces refuges que finalement, les différentes espèces ont pu remonter vers le nord. Oui. Alors, elles ont remonté si bien, Paul Arnoult, que 8000 ans, si on remonte 8000 ans en arrière, cette fois, le paysage a totalement changé. Et ce qui est devenu la France ensuite est recouvert d'une épaisse forêt. Il faut l'imaginer comment cette France d'il y a 8000 ans. Alors la France forestière, comme le disait Laurent Gillon, votre compagnon d'émission. Comme le disait Laurent, la progression des glands tombe très près du chêne, mais il y a des animaux qui aident à ce que ça se propage un peu plus vite, notamment les geais, certains oiseaux ou les écureuils qui font des réserves et puis qui éloignent les glands de leur point de chute proche. À chêne, ça peut faire d'ailleurs des centaines de milliers de petits plans au sol. C'est absolument impressionnant. Les forestiers appellent ça une brosse. On a l'impression que le sol est couvert de... Et donc, une capacité de régénération naturelle fantastique qui aboutit, il y a 8 à 10 000 ans, à une forêt très mélangée, une forêt mixte, une forêt où il y a bien sûr le chêne, mais le hêtre, et puis aussi ce qu'on appelle des feuillus précieux, du châtaignier, du merisier, des ormes. Et donc, une forêt assez différente de la forêt actuelle, où souvent, c'est une forêt plus simplifiée que la forêt d'il y a 10 000 ans. Ouais. Mais alors, pour avoir une image, c'est-à-dire qu'il était possible de traverser la France du nord au sud, sans toucher le sol, en passant de branche en branche. C'était une forêt si dense que ça sur notre territoire à cette époque-là ? Normalement, oui. D'après les recherches, les campements des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, on estime qu'il y avait 20 000 à 50 000 personnes sur le territoire français. Mmh. Et donc, ils avaient parfois dans des petites clairières, des abris, mais tout était foresté. Il y a au moins 80% de la France qui était en forêt, sauf les hautes montagnes et puis des littoraux où il y avait du marécage. Et alors, si la forêt a à nouveau reculé, cette fois, c'est sous l'action des haches, des premiers hommes, des hommes du Néolithique qui ont colonisé un peu l'espace et qui se sont mis à faire de la culture, de l'agriculture, de l'élevage. C'est vraiment eux qui ont débroussaillé le terrain, Paul Arnoult ? Oui, c'est les néolithiques, c'est les sédentaires. Les sédentaires qui arrivent d'ailleurs, qui prennent la forêt française en tenaille. Il y en a ces agriculteurs arrivent par le nord, on les appelle les Danubiens, ils suivent le fleuve Danube, et puis toutes les bonnes terres, les terres de Leuze, les terres de Limon, les terres faciles à défricher, où on peut faire de la bonne culture. Et puis, il y en a qui arrivent par la Méditerranée. Il y a une autre prise en tenaille, et donc, avec leurs troupeaux, leurs champs, ils ont besoin d'espace, et c'est au détriment de l'arbre qu'ils conquièrent leur espace. Et ça a duré combien de temps, Laurent Tillon, ce déboisement ? C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, ça va aller que dans ce sens-là, d'une forêt de plus en plus réduite sur le territoire de France ? Oui, de manière ininterrompue, avec des sauts dans le temps. Il faut voir effectivement l'installation de l'homme du néolithique jusqu'à nos jours par la sédentarisation qui implique d'avoir des espaces où faire pâturer les animaux, qui implique de pouvoir cultiver notamment le blé, l'orge et toutes les céréales, et donc de déboiser. C'est l'une des premières raisons. On déboise pour avoir de l'espace pour faire pâturer les animaux et cultiver ces champs. Mais aussi parce qu'on a besoin de se chauffer, de cuire les aliments, on a besoin de construire son habitat. Et tout ça, ça implique d'utiliser le bois, mais pas de manière forcément très organisée. Par contre, il arrive aussi des épisodes, notamment avec des maladies. La peste noire a été une période terrible pour l'humain, mais alors un petit souffle d'air dans la vie de la forêt. C'est-à-dire que quand les populations humaines vont mal, la forêt va mieux, c'est ce qu'on Exactement. Observe. Exactement. Quand elles sont occupées par les guerres, notamment au Moyen Âge, la forêt va mieux aussi parce que il y a malheureusement sur le front beaucoup de soldats, de chevaliers qui se font tuer et qui pendant ce temps-là laissent un peu la forêt tranquille. Et c'est le moyen que la forêt a eu de gagner un petit peu de temps. Ouais. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, où, alors Paul me corrigera peut-être, mais je crois que c'est en 1857, on était descendu à seulement 13% du couvert boisé en France, contre les 80% pré-néolithiques. Mais pourtant, avant même le 19e siècle, certains s'inquiètent de la gestion de la forêt, essayent d'y mettre un peu d'ordre. Alors, sous Louis XIV, on a Colbert qui décide un peu de planter des chênes, de gérer la forêt. Ça n'a pas vraiment d'effet. Mais Colbert, avec une ordonnance de 1669, essaye d'organiser les choses. La première chose qu'il essaie de faire, c'est d'inventorier ce qu'il y a. Parce que on parle de forêt, mais finalement beaucoup de seigneurs, beaucoup de gens qui conseillent le roi savent même pas exactement quelle est la surface forestière, quelles essences on trouve en forêt, quelle est la qualité des bois qui sont disponibles, et donc notamment Louis XIV qui a des velléités de conquête maritime, des velléités de conquête du territoire en Europe, ne sait pas à quel chiffre se fier pour imaginer la construction de flottes militaires, etc. Donc partant de ce constat, il essaye déjà d'inventorier ce qui est disponible et puis ensuite d'organiser la forêt, notamment en mettant en place un premier service de gestion forestière. Ouais. Alors Paul Arnoux, aujourd'hui, il reste des vestiges de ces forêts plantées par Colbert que l'on peut admirer, dans lesquelles on peut se promener ? Très peu. Il reste, c'est pas de la forêt. Il reste quelques arbres du temps de Colbert, mais souvent dans les belles forêts où on dit qu'il y a eu l'effuté Colbert, c'est déjà une deuxième génération de chênes. On magnifie l'ordonnance de Colbert de 1669, mais l'administration des eaux et forêts, c'est une des plus vieilles administrations françaises. Et avant Louis XIV et son ministre Colbert, il y a déjà eu des grands rois forestiers qui ont déjà lancer des ordonnances comme Henri IV et François Ier. C'est même les forestiers qui disent qu'ils ont inventé le mot de développement soutenable avec une ordonnance datant de Brunois où le roi Charles VI demandait qu'on maintienne ces forêts dans un état soutenable. Ouais. Donc on s'inscrit dans le temps long et les forêts donc de Colbert existent encore, mais c'est un peu du mythe, c'est du niveau du mythe, de la légende. Je pensais quand on se promenait dans la forêt de Troncet, on voyait des arbres qui dataient de Colbert. Je rêvais. Il reste notamment dans un site qu'on appelle la fameuse futaie Colbert. Il reste quelques arbres pluricentenaires avec certains chênes datant de plus de 300-350 ans. Ouais. Qui sont immensément hauts. Qui sont vous en parlez dans votre livre et vous dites même que les forestiers d'Europe ne croyaient pas à la taille de ces arbres. Il a fallu qu'ils viennent vérifier eux-mêmes et mesurer ces arbres tellement ils ne croyaient pas à la hauteur chênes. Alors là, pour le coup, vous parlez des chênes d'une autre forêt, mais qui hérite aussi de Colbert, qui est la forêt de Bercé, où effectivement on a mesuré des chênes de plus de 50 mètres de haut. Ouais. Et là, pour le coup, il y a effectivement des forestiers anglais, des polonais, des allemands qui sont venus, des tchèques aussi, parce qu'ils ont une culture forestière assez marqués, et qui sont venus pour eux-mêmes faire la mesure de ces arbres, tellement ils n'imaginaient pas qu'on puisse avoir des chênes d'une telle hauteur. Mmh. Et ceux de Troncet sont aussi extraordinaires parce qu'ils sont très gros, qu'ils sont vieux, et que du coup, il y a notamment des micro-habitats, c'est-à-dire qu'il y a des cassures sur les branches qui ont permis à toute une biodiversité de s'installer. Mmh. Biodiversité qui est extraordinaire et exceptionnelle, puisqu'elle hérite notamment de la période de Colbert. Alors Paul Arnoux, depuis combien de temps la forêt en France augmente ? Puisque on le sait, ces dernières années, ces dernières décennies, la surface boisée en France métropolitaine augmente. avec deux collègues, il y a une trentaine d'années, pour la classe des forêts de France, qui était parue chez De Monza, avec Micheline Autia et Pierre Derioz, on avait fait une courbe de la superficie forestière française sur 13 000 ans. Et ça ressemblait à serpent, on appelait ça le serpent forestier. Ça ouais. ondulait, et justement, quand il y avait la peste, des guerres, il y avait des petites ondulations positives, ouais. et puis après, le défrichement reprenait, parce que la forêt servait à tout, c'était une forêt à tout faire. Et l'étiage, le moment où il y a le moins de forêt, c'est un peu après la Révolution française. Surtout que la Révolution française, ça a déstructuré un peu le corps des eaux et forêts. On a énormément prélevé en forêt à ce moment-là. Et on a atteint là le maximum des défrichements. Et puis petit à petit, avec la création d'une école forestière, la promulgation d'un code forestier 1824-1827, et puis des grandes opérations de reboisement, pilotées en particulier par les nouveaux ingénieurs sortis de l'école forestière de Nancy, on commence le 19e siècle, la courbe remonte et remonte de façon continue et impressionnante. Alors, la superficie augmente, mais toutes les forêts ne se valent pas. Certaines sont plus riches que d'autres en termes de biodiversité. Nous allons nous intéresser à l'état des forêts de France avec vous, Laurent Tillon et Paul Arnoux, dans un instant, pour adresser une question ou une réflexion à nos invités. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Begin Again, c'était Nora Jones sur France Inter. Par là ? Voilà, on va couper un petit peu. On prend un autre sentier. Plus. Alors vous voyez la bruyère, comment elle est ? Alors vous connaissez le... comment on fait la différence entre la calune et la bruyère ? Alors il y a un petit truc pour les enfants, c'est calune, calme, bruyère, bruit. Alors si on passe la main, ça fait un peu de bruit, c'est la bruyère. Mais si ça fait pas de bruit, une autre, là on n'en a pas d'autre, c'est calune, calme. Voilà, ici par exemple. Et voilà. Celle-là, elle fait pas de bruit. Alors, on a quelques spécimens hein, de grands chênes quand même qui sont un peu. Regardez sa physionomie. Il est penché, hein. Mais il s'appuie sur le rocher. Il y a comme un dialogue entre le minéral et le végétal. Hein. Ça, c'est moi je trouve ça magnifique. On rejoint un sentier plus important. Oui, puis on va arriver à un carrefour où là on va pouvoir s'orienter, se diriger vers le Montaigu. Et puis peut-être aller vite vers la grotte du chasseur noir qui symbolise un peu la plus grande légende de Fontainebleau dans les siècles. Et nous commençons notre petit tour des forêts françaises par Fontainebleau. C'est l'une des plus célèbres de France, cette forêt de Fontainebleau. Et d'ailleurs, elle est en passe d'être labellisée forêt d'exception. Paul Arnoux, vous êtes au comité de sélection de ces forêts d'exception. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, la forêt de Fontainebleau ? Elle est en passe. Elle a été la première labellisée. Elle a été renouvelée au bout de 5 ans. Le label est distribué pour 5 ans. Donc, Passe d'être renouvelée. Alors. Elle a été renouvelée. Donc, elle entame sa 7e année. Et la cérémonie de relabellisation avec Valérie Pécresse, notamment, et le président du comité départemental de Seine-et-Marne aura lieu la semaine prochaine. Ah, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette forêt ? Tout. C'est la forêt de tous les plus. Elle a plus d'animaux, plus de végétaux, plus de diversité, plus de paysages impressionnants avec ses chaos de grès, ses grandes falaises. C'est la forêt un peu de tous les superlatifs, et puis c'est la forêt qui a été la première protégée avec les réserves artistiques. Mmh. C'est la forêt où il y a eu les premiers sentiers naturalistes créés par un allumé qui s'appelait Denecourt. Donc pour le tourisme, pour la biodiversité, pour la fréquentation, pour la splendeur des paysages, elle est vraiment tip-top. Mmh. Combien y a-t-il de forêts d'exception en France, comme la forêt de Fontainebleau ? Au départ, il y en avait 19 qui étaient candidates, qui avaient été sélectionnées. Il y en a 14 de labellisées. Il y en a 2-3 qui sont restés sur le carreau parce que c'est la labellisation, c'est l'office des forêts avec des partenaires qui sont soit des métropoles, soit des parcs naturels régionaux, soit des parcs nationaux ou des comités départementaux du tourisme. Et parfois, lorsque les partenaires sont des politiques, au moment des élections, des gens sont pas réélus et la mayonnaise ne prend plus. Mais alors, quelques exemples de ces forêts qui ont été sélectionnées et qui... Alors, la première, c'est Fontainebleau. Après, il y a eu Verdun. Les gens sur place ont fait le forcing pour la labelliser au moment de l'anniversaire de la bataille de Verdun. Donc, en 2016. Il y a eu la Grande Chartreuse dans les Alpes. Et puis, les forêts de Rouen. À Rouen, les forêts sont dans la ville et on a labellisé 3 forêts autour de Rouen. La forêt de Roumar, la forêt de Rouvray, la forêt verte au nord de Rouen. Mmh. Et puis, une des dernières labellisées, c'est une forêt dans les territoires ultramarins, c'est la forêt de la Martinique sur la montagne Pelée et les montagnes des Carbets. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, la montagne Pelée de si exceptionnelle ? Voyageons un petit peu, allons jusqu'en Martinique. Bah, c'est une forêt dense, une forêt tropicale, une forêt humide, une forêt ou une montagne qui est souvent dans le brouillard. Et puis, c'est une forêt sur un volcan, donc avec un étagement, et puis ce qu'on appelle des plantes endémiques, des plantes qui ne poussent que là. Que là, qui ont vécu en monde clos, avec des échanges génétiques limités, souvent donc des particularités floristiques, de croissance tout à fait exceptionnelles. Laurent Tillon, alors quand vous avez commencé à travailler à l'Office National des Forêts, vous occupiez d'abord des forêts de la moitié nord de la France. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot d'ailleurs de ces forêts de la moitié nord de la France, parce qu'ensuite vous avez découvert celles de la Méditerranée qui vous ont aussi passionné parce qu'elles sont encore plus diversifiées. Mais commençons par le nord. Mais les forêts du nord ont ça d'exceptionnel qu'elles dépendent à la fois d'influences atlantiques et puis en même temps d'influences continentales. Et à la convergence de ces influences, on trouve notamment la fameuse montagne vosgienne qui fait une vraie ligne de démarcation entre ces deux grands types continentaux et atlantiques. Et on y trouve du coup la forêt typique des grands arbres. les hêtres cathédrales notamment, les chênes absolument incroyables qu'on peut trouver dans les forêts, comme on en parlait un peu tout à l'heure, avec toute une biodiversité associée à ces contextes particuliers de ces arbres qui vivent longtemps, qui ont du coup qui développent un feuillage qui peut être parfois très dense sur lequel beaucoup de biodiversité, notamment des insectes, se développent, et qui est très différent de ce qu'on peut rencontrer dans les forêts du Sud. Alors justement, ces forêts du Sud, vous les avez rencontrées un peu plus tard et vous avez été charmé par la biodiversité. Il y a beaucoup plus d'essences d'arbres qui se côtoient dans ces forêts méditerranéennes. Alors, c'est une impression qui est assez étrange parce que je me souviens de ma première entrée dans une forêt méditerranéenne. C'était une forêt de chêne vert, donc une des rares espèces de chêne qui conserve son feuillage en hiver. Et qui a aussi la particularité d'avoir une croissance très lente. Et j'étais accompagné d'un forestier qui me faisait visiter sa forêt. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la manière dont poussaient ces forêts était quand même très particulière. Ça faisait presque une demi-heure qu'on était dans cette forêt et on était resté quasiment au niveau de la canopée. Ouais. C'est-à-dire du haut des arbres à 4 mètres de hauteur. Et à l'intérieur de cette forêt, on trouve parfois un point d'eau, parfois une clairière, parfois des petits espaces de prairie dans lesquels se cumule toute une biodiversité à la fois associée au milieu ouvert, à la fois associée au milieu forestier. Et comme les arbres poussent lentement, on y découvre aussi plein de petits habitats, refuges pour toute une biodiversité qui font de ces forêts, d'ailleurs comme la plupart des habitats méditerranéens, hein, on appelle ça l'un des points chauds mondiaux de la biodiversité. C'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement il y a une multitude d'habitats qui sont propices au développement de tout un tas d'espèces. Alors est-ce que c'est le cas pour les grandes forêts que l'on dit monospécifiques, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles on va trouver une seule espèce d'arbre qui se reproduit en très grand nombre? C'est le cas de la forêt landaise par exemple, plus grand massif de pins maritimes d'Europe. Quelle est son histoire, Paul Arnoult? Mais dans les forêts méditerranéennes que vient d'évoquer Laurent, il y en a qui sont un peu monospécifiques aussi. Il y a le pin d'Alep, il est relativement omniprésent. Il n'est pas autant que le pin maritime dans les Landes, mais la biodiversité, elle est plutôt dans les sous-bois ou dans ce qui n'est pas la forêt. La biodiversité des arbres dans notre forêt méditerranéenne, c'est pas si exceptionnel que cela. Alors les Landes, effectivement, le pin maritime a tout submergé au 19e siècle. Ça a été une essence miracle dont on tiré de la résine pour de l'industrie chimique, des piquets pour les poteaux de mine, pour les poteaux télégraphiques, et c'était ce qu'on appelait le pin maritime, était l'arbre d'or qui rapportait énormément et qui a permis de reboiser près d'un million d'hectares dans ce secteur. Mais en même temps, dans les Landes et sur les marges des Landes, il y a des rivières, il y a la rivière l'Alère qui se jette dans le bassin d'Arcachon, où là on a des forêts alluviales, des ripisylves, qui sont aussi des conservatoires de biodiversité, où il y a des fougères arborescentes, de l'osmonde et des très grandes fougères, et le long des tout les petits, ce qu'on appelle les courants, qui sont des petits ruisseaux qui évacuent l'eau des lacs du littoral landais vers la mer, on a là aussi des îlots de biodiversité exceptionnels. Et puis sous le pin maritime, bon, la végétation, il n'y a pas grand-chose. On retrouve de la calune, on retrouve beaucoup de fougères-aigles. C'est souvent le sous-bois est limité, mais malgré tout, il y a un potentiel de biodiversité qui n'est pas négligeable. Alors dans cette forêt, quand elle est uniquement faite de pins des Landes, eh bien, elle est peut-être plus vulnérable aux incendies. En tout cas, en 1949, de terribles incendies ont ravagé cette forêt landaise. Compte rendu d'un reporter de l'époque sur la RTF. Des dizaines de milliers d'hectares de forêts en cendres, des usines, des scieries, des métairies détruites, et aussi hélas des morts, une cinquantaine disent les uns, plus de 100 disent les autres. Tel est le tragique premier bilan du formidable incendie qui a ravagé hier et cette nuit la Gironde, menaçant un instant la ville de Bordeaux elle-même, dont il n'était plus éloigné hier soir que d'une quinzaine de kilomètres. Après la suite ininterrompue de sinistres de ces dernières semaines, qui ont ravagé la forêt landaise, celle du Lot-et-Garonne, de la Charente-Maritime, après les flambées d'Andernos et d'Arès sur le bassin d'Arcachon, après l'incendie de la région de Capcieux, celui de Mérignac, de Pessac, la formidable explosion des Landes de Bussac, on pouvait espérer que la série tragique était close et du moins, malgré l'étendue du désastre, sans perte de vie humaine. Or, dans la journée d'hier et surtout dans l'après-midi, attisé par un vent violent qui brusquement se mit à souffler nord-nord-est, quelques foyers modestes sur le territoire de la commune de Saucatz, du Barp, de Salles, de Facture, et de marche-prime se sont soudain développés avec une rapidité foudroyante et malgré les secours et les mesures prises aussitôt par la population et par les sapeurs-pompiers de Bordeaux et leurs collègues de Paris, arrivés en renfort malgré l'armée, l'aviation et tout le matériel qu'on a pu rassembler à la hâte, bientôt une surface considérable se transformait en un immense brasier. Nous étions donc en 1949. Paul Arnoux, quelle surface au total est partie en fumée lors de cet incendie gigantesque ? Je vous disais, il y avait à peu près 1 million d'hectares de forêt, et là, c'est aux alentours de la moitié, 500 000 hectares, lors de cet incendie-là, et ça s'est étalé quand même sur 2-3 ans. Mais 500 000 hectares de forêt sont partis en fumée au lendemain de la guerre. Est-ce que c'est lié, justement, au fait d'avoir une seule essence d'arbre? Est-ce que ça fait que l'incendie se propage plus dans ces conditions? Il y a l'essence d'arbre unique, il y a les sous-bois, la fougère, quand elle est sèche, c'est un propagateur de feu extraordinaire. Il y a des régimes des vents, on est des vents d'ouest qui viennent de l'Atlantique et qui attisent le feu. Et donc, c'est sûr que la monospécificité, c'est toujours un facteur de fragilité, mais renforcé donc par la combustibilité des sous-bois et la relative sécheresse du substrat sableux à la fin de l'été. Alors ce reboisement avec une seule espèce de résineux a eu lieu dans d'autres régions, comme le Morvan, où il est contesté. Lucienne Haez, vice-présidente de l'association Autun-Morvan Écologie, au micro de Denis Chessou. Actuellement, on pense qu'il y a plus de 50% de résineux sur toutes les surfaces de forêt du Morvan. Alors, traditionnellement, il y avait du chêne, du hêtre, des érables, du merisier. Et c'était une forêt étagée, mélangée. Il y avait aussi des parcelles de hêtres et sapinières. Oui. Le sapin était très adapté parce que, bon, les résineux, en soi, c'est pas l'essence qui pose problème dans le Morvan. Le problème, c'est la sylviculture qui est rattachée à cette espèce. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on parle Douglas dans le Morvan, en général, c'est après avoir fait une coupe à blanc de forêt de feuillus mélangée, étagée, on dessouche et on laisse le sol complètement à plat, à nu. C'est ce qu'on voit là, d'ailleurs. Voilà, juste derrière. Voilà. Et on replante en randonnion des plants de Douglas. Extrait donc de l'émission de Denis Chessou, diffusée en 2012. Alors on a vraiment remplacé dans le Morvan des arbres feuillus par des résineux, voilà nous. Oui, en plus le Morvan, mais c'était une drôle de forêt dans le Morvan, c'était la forêt qui servait au ravitaillement en bois de Paris. On faisait le bois du Morvan, s'écoulait sur les petits cours d'eau, la Cure, l'Armançon, puis Lyon pour ravitailler Paris en bois. Il y a des millions de mètres cubes de bois feuillus qui ont ravitaillé Paris. Ce qui fait que c'était des forêts, c'était ce qu'on appelait du taillis, hein. C'était pas de la belle forêt. Mmh. Et donc là, on a remplacé ça effectivement par de la monoculture de Douglas. Quelles sont les principales critiques qui sont faites à ces peuplements de forêts monospécifiques, Laurent Tillon? Je crois que dans les principales critiques, il y a déjà le fait que certaines des essences dont on parle, en particulier le Douglas, sont pas des essences autochtones, c'est-à-dire des espèces d'arbres qu'on trouve ici. C'est des espèces qui sont importées notamment d'Amérique du Nord. C'est complètement le cas du Douglas. Et l'un des reproches qu'on leur fait, c'est que à partir du moment où on apporte ces essences, on n'apporte pas forcément avec elles toute la biodiversité qui y est associée. Dans les forêts d'origine, le Douglas est d'une très grande richesse en réalité. Il y a plein d'insectes qui dépendent particulièrement de cette essence, avec tous les prédateurs, tous les parasitoïdes qui en dépendent. Et puis il vient aussi avec tout son cortège de champignons, notamment les champignons mycorhiziens, qui aident à son développement. Mmh. Quand il est présent dans un autre continent que son continent d'origine, on n'a pas tous ces cortèges d'espèces. Et ça, c'est l'un des reproches principaux qu'on peut lui faire. Alors, j'apporterai un bémol à ça. On est en train de se rendre compte quand même que certains groupes, qu'on appelle des groupes taxonomiques, donc soit chez les insectes, chez les oiseaux, chez les champignons ou chez les plantes, que certaines espèces de chez nous arrivent à s'adapter à ces nouvelles essences. Mais le grand défaut de ces essences-là, quand elles sont plantées de manière monospécifique, du coup, c'est la banalité de la forêt face à laquelle on se trouve. Ouais. Puis, tout de même, hein, on a des expériences par le passé qui prouvent que certaines actions peuvent avoir des conséquences durables. Laurent Tillon, par exemple, si on ne trouve plus beaucoup d'ifs dans les forêts françaises, c'est parce que au moment des chasses royales, les rois n'aimaient pas trop les ifs. Pour quelle raison? Alors, les rois Bois avait fait un constat. Ils étaient à l'époque amoureux de la chasse, amoureux du grand gibier, en particulier du noble et majestueux cerf élaf, le fameux cerf qu'on entend bramer dans nos forêts encore aujourd'hui. Et à l'époque, notamment lors des années de disette, quand la végétation ne poussait pas bien à cause de périodes de gel et de grands froids, qui du coup avaient la particularité de fragiliser aussi le développement de la végétation, les cerfs avaient moins à manger. Et donc, ils se reportaient vers des espèces d'arbres qui étaient moins appétantes, moins nutritives, en particulier l'if. Et en mangeant le feuillage de l'if, beaucoup de cerfs étaient retrouvés morts après dans la forêt. Et on s'est rendu compte à cette époque-là que l'if, en fait, avait une substance qu'on n'était pas capable de qualifier à l'époque, mais qui empoisonnait le gibier. Et c'est assez récemment, dans les années 70-80, qu'on s'est rendu compte que cette substance, qui du coup a impliqué un retrait définitif de l'if de l'ensemble de nos paysages, on s'est rendu compte que cette substance s'appelait le taxol et avait un pouvoir anticancéreux très fort. Peut-être que si nos rois, à l'époque, avaient su que le taxol avait ce rôle-là, ils l'auraient conservé pour les générations actuelles. Ouais. Ça fait une fable qui laisse réfléchir un petit peu. Comment exploiter durablement une forêt? Vous allez nous dire quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques en la matière. Vous allez nous emmener dans quelques forêts que vous jugez exemplaires. Et puis les questions des auditeurs arrivent sur France Inter et la page Facebook du Temps d'un Bivouac. We fell in love under a tree, and the girl he loved lived in a house in an orchard by the sea. And every day they used to kiss under the tree close to the sea. They made love there so many times, their bodies shining on the ground. Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me, my love? Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me? One day the tide came up so high, took the lovers by surprise, and the water washed them from the ground and brought them to the ocean wild. And from the bed under the tree a river ran down to the sea, and in the water the forest rose up to the sky where the wind blew. Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me, my love? Once upon a forest there was a tree. Will you dance with me? Open Forest de Émilie Loiseau, titre composé pour le film de Luc Jacquet, Il était une forêt. Et on y retourne en forêt avec les techniciens forestiers de l'ONF au micro d'Antoine Chao dans la forêt de Troncet en Haute-Marne. On donne un coup de flashy, en fait, c'est une petite hache donc qui enlève un bout d'écorce. Et ensuite, de l'autre côté donc, de l'outil, on a un tampon avec les initiales AF, administration des forêts en fait. Et vous marquez. Voilà. 40C. On essaye aussi d'améliorer les techniques de marquage aussi pour gagner du temps, parce que comme on est de moins en moins avec de plus en plus de surface et de plus en plus de volume, hein, parce que maintenant on nous demande d'extraire plus de volume. Donc la double marque bleue, pas touchée quoi. Oui, ça à préserver, c'est pour les bûcherons. À préserver. Ouais. Ouais. Les bûcherons, quand ils abattent les autres, ils font attention au point bleu. Parce que ça, il fait 20 cm. Il fait 20, on voit le pied, il est lisse, il est propre, c'est de la catégorie AA. Classe A, la bille de pied, ça c'est un arbre à préserver. On travaille à la qualité par pied d'arbre. Donc 75 c'est le diamètre, c'est du chêne parce qu'on ne l'a pas dit, c'est voilà. Ça et voilà. A c'est superbe qualité quoi. A mais... c'est le supérieur, oui. Supérieur. Donc plus c'est gros, mieux c'est. Bio 35 vif. Bio c'est quoi? 30 octo. Voilà. On répertorie aussi, parallèlement à ça, tous les arbres qui ont une valeur dite écologique. Donc ce sont les arbres morts, ce sont les arbres qui sont au sol, ce sont les arbres qui ont un nid ou un trou de pique ou des champignons particuliers. Bio 45 sol. Un arbre, il a une vie jusqu'à ce qu'on le coupe, mais il a aussi une vie quand il meurt et qu'il dépérit en forêt. Il y a une seconde vie grâce en fait à toute la faune et à la flore qu'il peut héberger sur cette nouvelle niche écologique. Donc on les répertorie pour savoir au moins qu'est-ce que l'on a dans nos bois, en sachant que selon les scientifiques, il faudrait qu'on ait entre 5 et 6 arbres hectares bio pour avoir un optimal de l'écosystème. Ils n'ont plus de valeur marchande, par contre pour la forêt, ils ont une valeur. Et on veut savoir où on en est par rapport à ce capital. 60C. Alors nous étions bien en Haute-Marne, mais pas dans la forêt de Troncé qui se trouve de toute façon dans l'Allier. C'était un extrait d'un reportage de Antoine Chao pour Comme un bruit qui court sur France Inter. On s'intéresse aux forêts françaises avec Paul Arnoux, biogéographe à l'École Normale Supérieure de Lyon, et Laurent Tillon, chargé de mission biodiversité à l'ONF. Alors, on l'entend avec cet extrait, ces forêts gérées par l'ONF le sont faites avec minutie, on laisse les troncs en devenir, on en laisse aussi, même s'ils n'ont pas de valeur marchande, mais parce qu'ils ont une valeur du point de vue de la biodiversité, on est là dans une gestion durable de la forêt, Laurent Tillon. Ça nous arrive aussi de laisser des arbres qui ont une valeur marchande, mais qu'on considère important pour le bon fonctionnement de l'écosystème forestier et du coup qui ont un intérêt pour la biodiversité. Mais on entre là dans un mode de gestion durable qui intègre trois composantes essentielles de la gestion forestière, avec un pilier donc économique et lié au renouvellement de l'écosystème forestier. En fait, quand les collègues, par exemple, décident de prélever un arbre et de marquer un arbre parce qu'il a un intérêt économique, ils ne regardent pas que ça. Ils regardent aussi l'arbre par rapport à son environnement. Est-ce que un autre arbre voisin pourrait bénéficier de la trouée liée au fait qu'on retire cet arbre-là? Il regarde aussi un autre élément. Il regarde si, en dessous, on va avoir des semis. Par exemple, dans le chêne. Le chêne, c'est une espèce forestière qui a besoin de beaucoup de lumière. Et pour ça, on a besoin d'ouvrir un peu la forêt. Sinon, on ne pourra pas la renouveler et donc assurer à un jeune chêne de pousser et de profiter de ce puits de lumière. Donc, il regarde ça. Et on regarde aussi les compartiments liés à la biodiversité. Donc, on maintient certains arbres qui ont du coup une valeur importante pour maintenir des espèces qui vont d'ailleurs, dans certains cas, jouer un rôle d'allié du forestier. On a par exemple des espèces d'oiseaux ou d'autres espèces qui mangent des insectes qui peuvent eux-mêmes se nourrir sur les arbres et donc déprécier la qualité des arbres. Et puis enfin, il y a aussi un volet sociétal qui est très fort avec une demande pour ouvrir les forêts de manière à laisser entrer les gens qui peuvent profiter de cet espace de nature. En fait, il faut pouvoir concilier tout ce que l'on demande aujourd'hui à la forêt et on s'en rend compte de siècle en siècle, on lui en demande de plus en plus à cette forêt, Paul Arnoux. Non, on lui en demande quand même beaucoup moins que sous l'Ancien Régime. Ouais. On lui demandait pas ce rôle de conservation peut-être. Non, et puis le rôle de récréation, de loisir, c'était un loisir aristocratique limité à quelques milliers de personnes. Maintenant, c'est des millions ou des centaines de millions de visites en forêt. Mmh. Donc la promenade, la fonction loisir, elle s'est démocratisée, mais ça c'est C'est dur de gérer ça en même temps que la fonction de production et puis de protection que vient d'évoquer Laurent. Donc, on a les trois pros là qui sont extrêmement difficiles, produire, promener et protéger, qui sont extrêmement difficiles à concilier. Mmh. Et c'est ça toute la difficulté d'arriver à une gestion qui soit partagée et la France a fait le choix aussi de ce qu'on appelle la multifonctionnalité, c'est-à-dire de tout faire sur un même territoire, dans une même forêt, surtout dans les forêts de l'État, dans les forêts domaniales, on voudrait concilier ces trois fonctions, et ça, c'est pas évident. Alors, des exemples de forêts, je crois que la forêt du côté de Rouen vous plaît tout particulièrement, Paul Arnoux. J'aime bien parce que c'est vraiment la forêt. Troncé, assez loin de la ville. Là, c'est la forêt qui est dans la ville. La ville s'est construite à la place de la forêt. Et les gens qui gèrent, qui pensent, qui aiment la forêt maintenant, qui fréquentent, ce sont des urbains. Et à Rouen, la municipalité, la métropole, a réussi à avoir déjà ce qu'on appelle des chartes forestières, c'est-à-dire des visions, des projets négociés sur la forêt. Elle a été une des premières forêts d'exception. Mmh. Et c'est une forêt qui était une forêt extrêmement polluée à la proximité des grandes raffineries de la Basse-Seine et des grandes usines chimiques. C'est une forêt qui avait brûlé au lendemain de la guerre, là aussi, où il y a eu des centaines, voire des milliers d'hectares de brûlés, et où la reconstitution de la forêt, la création d'arboretum, la création d'un parc animalier aussi, qui a été très discuté, sont des gestes forts qui permettent d'expliquer aux urbains ce qu'est un écosystème forestier, de mieux leur faire admettre, leur faire comprendre que c'est pas évident de gérer subtilement et durablement l'écosystème forestier. Assez rapidement, la forêt de Rambouillet, Laurent Tillon, que vous affectionnez tout particulièrement. Oui, alors j'y travaille quand même assez régulièrement et on est dans une forêt qui accueille plus de 10 millions de visiteurs par an. On est dans une forêt aussi qui produit du bois avec une demande notamment pour le bois de chauffage mais aussi pour le bois de grume. Souvent de manière locale d'ailleurs. Et puis, on est aussi dans une forêt qui présente des milieux humides, des espaces de landes, et puis donc ces vieux peuplements de chênes avec des réserves biologiques qu'on a mis en place totalement dédiées pour la biodiversité, des plus petits espaces et des arbres qu'on laisse au milieu des parcelles de production. Et c'est un bel exemple de conciliation des différents enjeux. Laurent Tillon et Paul Arnoux, vous allez répondre aux nombreuses questions des auditeurs qui sont arrivées pour vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr et notre page Facebook. Comment on fait pour sortir? Comment on fait pour descendre? Ça fait des mois que ça brûle, bientôt y'aura que des cendres. Si c'est ça la finalité, la fin du parcours, quelque chose a glissé. Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre? C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre. Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre, quelque chose doit glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. Fais le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. Défait, défait. Défait, défait. Hey. Les années nous semblent vides, au fond tous on se ressemble. Si on sait s'écouter, c'est qu'on n'a pas su s'entendre quand on a dû glisser. Pourquoi toujours vouloir fuir ce qu'on pourrait pas comprendre? Si tout tenait à un fil, il suffirait de le tendre. Si on voit plus l'avenir aussi fort qu'on le prétende, quelque chose va glisser. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. autour de la ville. On cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. C'était Défait de Julien Granel sur France Inter. Commencez à l'embrasser, l'entourer de vos bras. Du coup, laissez-vous poser sur l'arbre. Laissez l'arbre vous soutenir. J'y trouve beaucoup de sérénité. D'ailleurs, j'ai beaucoup bâillé tout à l'heure. Un instant paisible, un temps de paix. C'est ça, en fait, un temps pour soi. Et pour moi, les forêts, c'est un espace où on peut sentir qu'on est vivant. On ne fait rien, ce n'est pas théorique, ce n'est pas mental. On vient et on se pose et on sent qu'on est vivant. On profite des instants de la vie. Et ça a quelque chose de magique. Une séance de sylvothérapie dans la forêt, on en demande, je vous le disais, de plus en plus à la forêt, après avoir été une ressource, être devenu un lieu de loisirs, être devenu un lieu de conservation. Maintenant, la forêt est aussi un lieu thérapeutique, Paul Arnoux. Je vous voyais sourire pendant le sujet. Non, je vais jouer au rabat-joie, c'est aussi un lieu de maladie. Non, mais ah c'est oui, la sylvothérapie, oh là, c'est les arbres, c'est très bien, marcher pieds nus dans la mousse aussi. Et ça, c'est sûr qu'il y a des vertus, et les Japonais, les Finlandais ont étudié, même de façon scientifique, les bienfaits qu'on peut tirer de la forêt. Mais il y a quand même une maladie terrible qui nous est venue de l'Est des États-Unis, c'est la borreliose de Lyme, qui est propagée par des tiques, et qui est une maladie très handicapante et très mal connue encore, mais qui est présente partout. Elle était d'abord dans l'Est de la France, maintenant elle est dans toutes les forêts périurbaines de la région parisienne, et on la trouve dans les jardins. Donc la forêt, c'est de la santé, mais ça peut être aussi un lieu où il y a du danger. Oui, alors ça veut dire qu'on y va quand même, mais on prend des précautions. Tout à fait. C'est ça, on n'interdit pas aux gens d'aller en forêt pour cause de maladie de Lyme. Jean-Paul vous dit, les forêts subissent la canicule, des phases de sécheresse et doivent supporter des températures anormalement élevées. Quelles conséquences apporte le dérèglement climatique aux forêts? Laurent Tillon. Il n'y a pas que les températures élevées qui posent problème, il y a aussi les sécheresses successives. Et depuis, par exemple, 2 ans, j'étais il n'y a pas très longtemps en forêt de Troncé, normalement, il y pleut 750 mm de pluie par an. Et là, on est à moins de 350 mm pour la deuxième année consécutive. Les hêtres ne supportent pas parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Tous les arbres ont besoin d'eau. Alors, ils sont adaptés en fonction des endroits où on les trouve. Les chênes des forêts méditerranéennes sont adaptés à des climats beaucoup plus secs. Mais du coup, il y a les fortes températures qui figent un petit peu la végétation pendant un temps, et puis après, les sécheresses qui, du coup, dessiquent complètement les arbres. Sophia vous demande, la calarose, maladie causée par un champignon, détruit les frênes. Ceci risque-t-il de disparaître, Paul Arnoux? C'est comme il y a une quarantaine d'années avec les ormes. Il y a eu la maladie, ce qu'on appelait la maladie hollandaise de l'orme, qui les a fait quasiment tous disparaître. Il y a des écotypes résistants qui sont sortis, mais l'orme, qui était un arbre très très présent dans les forêts françaises, surtout dans les lisières sous forme de d'ormée rudérale, a disparu. Pour le frêne, on est un peu sur le même destin. Il va en rester, mais les grandes frênaies sont condamnées. Et on voit des centaines d'arbres morts, de houppiers desséchés. Laurent Tillon. Avec notamment des frênes adultes qui étaient en feuilles, et quelques semaines après, les feuilles disparaissent et les arbres tombent en pleine journée. Faut avoir en tête que avec le réchauffement climatique et le changement global, on voit apparaître tout un tas de germes et de micro-organismes, des champignons, des insectes, qui progressent beaucoup plus vite que ce qu'ils ne progressaient avant. Certains en plus sont arrivés d'autres continents et posent des problèmes à tout un tas d'essences. Le travail du forestier, c'est aussi ça, c'est guetter les individus de chaque essence qui vont résister à ces fameux germes pour pouvoir, entre guillemets, les protéger, puis après récupérer les graines qui réensemenceront les forêts de demain. Carole vous dit toujours sur ces maladies, j'habite le sud des Alpes de Haute-Provence et par endroits la forêt est malade. La pyrale du buis, papillon nocturne invasif, tue tous les buis. C'est terrible à voir et très nouveau. Que faire? Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, hormis à un moment donné peut-être supprimer tous les buis, en mettre quelques-uns qu'on va cultiver dans des endroits un peu stériles, pour, après le passage de la pyrale, du coup pouvoir là aussi replanter du buis dans nos campagnes. Sinon, on risque malheureusement de voir effectivement une espèce comme le buis s'éteindre. Mais il y a beaucoup d'espèces concernées par des maladies comme ça, Paul Arnoux. Tout. Champignons, insectes. Et là, ma femme a passé une partie de son été à ramasser des chenilles, les petites chenilles vertes à tête noire de la pyrale du buis. C'est mission impossible. Vous en avez des milliers. On les entend grignoter les feuilles. Et donc les buis, qui est un arbre qu'on appelle, on peut faire du topiaire, c'est-à-dire on le taille pour faire des formes extraordinaires. C'était l'arbre des allées, des châteaux et tout ça. Et il y a l'arbre de grands milieux naturels. Ça a rasé complètement les grandes formations de buis. Merci Paul Arnoux et Laurent Tillon. On finira sur cette note un peu triste. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Paul Arnoux, Au plaisir des forêts, promenade sous les feuillages du monde aux éditions Fayard, et Laurent Tillon, Et si on écoutait la nature aux éditions Payot. Là où nous emmènent nos invités de la deuxième heure, il n'y a pas d'arbres, ce sont des alpinistes de haute montagne, Sophie Lavaux et François Damilano. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Sophie Lavaux, vous êtes mise en tête de gravir les 14 plus hauts sommets du monde qui culminent tous à plus de 8000 mètres. Vous en avez déjà gravi 11, dont l'Everest et le K2, pour lesquels vous étiez accompagné donc de François Damilano, autre grand nom de l'alpinisme, qui vous a suivi et filmé durant ces ascensions particulièrement rudes et engagées. Vous allez nous raconter ces expéditions dans un instant. À tout de suite.